Le duc de Carlepont par Amélie Achard. Première partie, chapitre 1er. La maison est basse, longue et d'humble apparence. Elle se compose d'un rez-de-chaussée et de quelques greniers couverts d'un toit de chaume. Les murailles, en pierre grise, sont égayées par des rosiers vigoureux et un gros pied de vigne appliqué contre la façade qu'il tapisse de touffes de roses blanches et de pampres verts. Des fenêtres, plus hautes et plus larges que ne le sont ordinairement les ouvertures par lesquelles l'air et la clarté pénètrent dans les chaumières, sont percées irrégulièrement, çà et là, à quelques pieds du sol. Un enfant en escaladerait l'appui sans effort. Des volets en bois plein les ferment hermétiquement. Chacune de ces fenêtres répond à une chambre de la maison. Ouverte, la lumière y tombe à flot. Close, c'est la nuit. Au milieu même du bâtiment, une porte cintrée, occupée à la naissance de la voûte par un madrier, donne accès dans la pièce principale. Une immense cheminée occupe tout un côté de cette grande salle. L'espèce de métairie dont elle dépend est double en profondeur. Tout autour, et bordée d'une haie vive, s'étend un vaste enclos qui commence par un paquis et se termine par un potager. Peu de fleurs, force légumes, et le long des carrés de choux et de haricots, les arbres fruitiers en plein rapport. Aux deux extrémités de la maison s'élèvent des étables et des bûchers, faits de planches et de torchis, auxquels se mêle une barrière à claire-voie qui court jusqu'à la haie. L'enclos est ainsi divisé en deux parties égales, l'une abandonnée aux bestiaux qui paissent l'herbe drue à l'ombre des noyers et des chênes, l'autre cultivée avec soin. Partout, des poules et des canards qui picorent et barbotent à l'envi. Dans l'air bleu, des pigeons qui vont et viennent, faisant claquer leurs ailes. Un chien dort paresseusement au soleil. Dans un coin, sous un auvent, on aperçoit un vieux cabriolet jaune sans capote. Un cheval blanc, tout ébouriffé, broute le gazon attaché par un licol à un piquet. Quelquefois, il s'approche à pas lourds du cabriolet et faute son cou velu et sa crinière flottante contre les roues qu'il connaît bien. Le long des murs et sous les appentis, on ne voit ni herse ni charrue, aucun de ces robustes instruments qui servent à l'agriculture. Seulement, en cherchant bien, on découvrirait dans les petits coins des serpes, des sécateurs, des râteaux, des bêches, dont les fers luisants et les manches polies indiquent que des mains laborieuses les manient chaque jour. L'aspect général est doux et tranquille, il réveille l'idée du repos, mêlée à une saine abondance. La Cormelle, c'est le nom de la métairie, est de cette famille d'honnêtes maisons qui font dire aux voyageurs qui passent sur le chemin poudreux: l'endroit est paisible et frais, là on doit être heureux. Et le voyageur ne s'éloigne pas sans avoir salué d'un sourire ami le toit de chaume tout rempli de fleurs, les oiseaux familiers qui voltigent çà et là, les arbres aux épais feuillages, les bœufs accroupis dans l'herbe, et cette solitude agreste d'un aspect si gras et si reposé. Si quelques passants plus curieux entrent dans l'enclos, d'un premier regard, il verra, par les fenêtres ouvertes, au plein soleil du midi, l'intérieur propre et bien rangé de la maison. Comme il suffit d'un seul coup d'œil pour voir jusqu'au fond une âme franche présentée par un visage souriant. Là, une cuisine avec des ustensiles de cuivre poli qui ressemblent à des soleils, et une solide table de chêne, où la plus scrupuleuse des ménagères ne découvrirait pas la moindre tache. Ici, une chambre meublée de 4 chaises de paille, d'un petit bureau au-dessus duquel s'élèvent quelques rayons en bois blanc chargés de livres et d'un lit de fer à grands rideaux d'indienne dont l'étoffe modeste est rehaussée de personnages et d'animaux. Une pièce contiguë est garnie d'un second lit, également en fer, avec des rideaux semblables, mais plus petits. Un bout de miroir pend au mur. Point de tenture aux cloisons, mais des branches de sapin accrochées à des clous. L'odeur qui s'en dégage est saine et pénétrante. La chambre voisine est toute remplie d'engins de chasse et de pêche, fusils doubles et canardières, dont les crosses et les canons s'allongent sur des râteliers, lignes, carrelets, éperviers, nasses, épuisettes, filets de toutes formes, longues bottes de marais, souliers ferrés et fortes guêtres, soigneusement placées dans les coins ou suspendues à des crocs. C'est l'arsenal de la maison. Plus loin s'allonge une autre pièce, dont les étagères plient sous le poids des pommes et des poires. À terre, des sacs de noix et de légumes secs. Mais quand on rencontre le fruitier, On a fait le tour de la Cormelle. C'est le côté du nord qui commence. Le cellier, la buanderie viennent après, puis un fournil, puis encore des resserres pour les grosses provisions, les pommes de terre, le maïs, le blé noir, le froment, la farine. Au levant s'ouvre une grande chambre, la plus belle, suivie d'une autre plus petite, garnie toutes deux de meubles qui paraissent beaux et presque riches, si on les compare au fer et au bois blanc ménagés dans le voisinage. C'est le coin des hôtes envoyés par l'orage ou la fatigue. On leur a réservé ce qu'il y a de mieux dans la métairie, nulle part un grain de poussière. L'enclos a bien 7 ou 8 arpents de bonne terre. Un joli pré et un bouquet de bois qui le touchent en dépendent. Sur le devant, à une portée de fusil tout au plus, file une route qui se perd dans un pli de terrain. Un épais rideau de forêt ferme l'horizon sur la droite, une chaîne de collines profil s'écroule dans le ciel du côté gauche. Derrière la Cormelle commence une vallée qui s'enfonce dans des profondeurs vaporeuses d'où jaillit la cime d'un clocher. Si l'on marche dans cette direction, au bout de 5 minutes, on entend, parmi les roseaux et les saules, le murmure d'une rivière qui se tord en 1000 détours. Le paysage a de l'élégance et, par l'étendue des lignes, une certaine grandeur. Au soleil couchant, les landes qu'on aperçoit au-delà du chemin s'illuminent d'une belle couleur pourpre et violette. Plus loin, cet éclair qui brille dans la solitude, c'est un étang. Mais de quelque côté que le regard se plonge, il n'aperçoit ni ferme, ni métairie, ni château. Lorsqu'un habitant du pays, qu'il fût de la ville ou du hameau, passait devant la Cormelle, il était rare qu'il ne poussât pas la porte de l'enclos pour demander un verre de cidre et prendre en même temps des nouvelles des maîtres du logis. Blaireau, le chien, relevait la tête nonchalamment, remuait la queue par petites secousses et, la chose faite, allongeait son museau entre ses pattes et fermait les yeux avec cet air de volupté béate familière à l'agent canine quand elle se chauffe au soleil. Tout le monde, à 10 lieues à la ronde, connaissait Blaireau comme Blaireau connaissait tout le monde. Ce que les voisins faisaient volontiers, lorsque leur promenade ou leurs affaires les rapprochaient de la Cormelle, les pauvres gens en avaient aussi l'habitude. Il n'était pas de mendiant dans le canton qui ne sut qu'il y avait là, pour les malheureux, un bon gros morceau de pain assaisonné d'une tranche de lard auquel on ajoutait, au moment du départ, l'offrande de quelques sous. Il n'était pas de jour où l'on en vit quelqu'un traversant le paquis, le sac en peau de bique sur l'épaule et son vieux feutre déchiqueté à la main. Pour le coup, Blaireau se levait. Ainsi que tous les animaux de son espèce, le vieux griffon n'aimait pas les haillons. Dès qu'il voyait poindre au-dessus de la haie un pauvre chapeau dépenaillé, associé à une veste en lambeaux, il se dressait sur ses pattes et tenait compagnie aux vagabonds aussi longtemps que durait la visite. C'était tout à la fois une politesse et une précaution. La queue ne remuait guère, et à l'occasion, le mouvement des lèvres en permettait de voir que le griffon à la rude fourrure avait encore des crocs dans la gueule. Aux allures de Blaireau, il était aisé de reconnaître que c'était un chien qui jouissait de ses invalides. Il allait et venait d'ici, de là, comme un être pour qui la Cormelle n'avait pas de coin secret, et pas de retraite non plus où il n'eut le droit de glisser son museau. Point de querelle avec un des animaux qui paissait ou ruminait dans son domaine. Le griffon faisait même bon ménage avec un maître chat qui se livrait incessamment à la chasse au mulot dans les plates-bandes du potager. Par ce côté-là, il reconnaissait un confrère. Mais il ne faudrait pas croire cependant, et malgré les allures indépendantes qu'on lui voyait, que Blaireau fût le seul maître du logis. La Cormelle appartenait en réalité à Monsieur le Duc. Les personnes des environs qui savaient les choses n'ignoraient pas que le propriétaire de la métairie et de ses maigres dépendances s'appelait Pierre de Thau, duc de Carlepont. Elle ne se faisait pas faute de le répéter à tout propos. Malheureusement, leur science n'allait pas beaucoup au-delà. C'est pourquoi le maître de la Cormelle était pour les gens du pays Monsieur le Duc tout court, comme autrefois dans sa toute-puissance, Louis XIV était le roi pour l'Europe entière. Quand on pressait les voisins de questions, ce qui n'arrivait guère, il faut le reconnaître, qu'au moment où l'ouverture de la chasse ramène dans le pays les hôtes des châteaux et leurs amis des grandes villes, ces bonnes gens ajoutaient, en baissant un peu la voix, que M. le duc de Carlepont était venu s'établir un beau matin à la Cormelle. Il y avait bien 5 ou 6 ans de cela, qu'il ne l'avait pas quitté depuis cette époque, qu'il possédait un jeune fils connu dans le canton sous le nom du comte Henri, bien que les petits pâtres dépourvus d'éducation se permissent de l'appeler Henrion, qu'on ne lui connaissait point de famille, qu'il passait sa vie en toute saison, et du matin au soir, à la chasse ou à la pêche, à moins qu'il n'eût quelques livres à la main, et qu'on disait de lui qu'il était ruiné de fond en comble. Par exemple, continuait-on, il ne manque jamais ni lièvre ni perdreau. Si un chasseur alléché par ses confidences demandait si véritablement M. le duc de Carlepont avait été jadis aussi riche que la renommée le disait, son interlocuteur levait les yeux au ciel. « Ah, bon Dieu !» répondait-on de cet air mystérieux que prennent les gens de la campagne pour raconter les prodiges et les sorcelleries. « Il avait des millions et des 100 000 francs !» On lui avait connu des meutes, il lui restait un chien. La maison de M. le duc se composait alors de 2 personnes, une femme de charge qui prenait soin du linge, des bestiaux, de la volaille, de la cuisine et des chambres, et un valet de ferme qui cultivait le jardin, émondait les arbres et fendait le bois. À eux deux, la Bigorne et Noël faisaient tout. Or, il paraissait certain que M. le duc avait eu jadis des équipages de chasse, 2 hôtels et 3 châteaux, tous peuplés de laquais en grande livrée. Le chapitre des renseignements précis épuisé, l'horizon des conjectures s'ouvrait. Il courait un grand nombre de bruits sur le compte de M. le duc de Carlepont. On racontait que dans son jeune temps, il avait fait la guerre aux Turcs et tiré force coups de fusil contre les Anglais dans les pays lointains, qu'il avait croqué avec des princesses d'opéra des forêts où il y avait assez de bois pour chauffer tout Paris, qu'il s'était marié plusieurs fois chez les sauvages avec des personnes bizarres qui portaient des plumes de perroquet dans les cheveux et des anneaux d'or dans le nez, et qu'un jour, étant chez un prince nègre, il avait eu la fantaisie de se faire mahométan. Les plus circonspects ajoutaient qu'il y avait peut-être un peu de médisance et d'exagération dans ces divers récits, mais on voyait bien, à leur visage, qu'ils n'étaient pas éloignés d'en croire tout au moins une bonne moitié. Aujourd'hui, M. de Carlepont était un brave chasseur qui touchait gaillardement dans la main des fermiers et saluait honnêtement M. le curé. De plus, il rendait volontiers service dans l'occasion. Les plus malins ne pouvaient surprendre dans son langage et sa conduite l'apparence de la morgue ou l'ombre du dédain. Le seul reproche qu'on pût sérieusement lui adresser, c'était de parler peu et de ne boire que de l'eau. En somme, un dernier trait prouvait que M. le duc n'avait vraiment plus de fortune. Il vendait le gibier qu'il tuait. Ce commerce ne suffisant pas à l'entretien de sa maison et à l'éducation du comte Henri, lequel ne manquait pas de professeurs de toutes sortes, on supposait qu'il restait au duc une petite rente de 3 à 4 000 francs. Il ne s'en défendait pas, quand on en parlait devant lui. Avec cela, une maison bien close, 4 ou 5 vaches, un petit troupeau de brebis paissant dans un pré qui ne doit rien à personne, de la volaille et du bois à discrétion, bien des gens du pays se seraient crus des potentats et auraient remercié la Providence. Mais un duc... On ne savait rien des événements qui avaient conduit M. de Carlepont à la Cormelle. Chaque matin, et quel que fût le temps, M. le duc partait pour la chasse ou pour la pêche, et l'on ne savait auquel de ces 2 exercices il se montrait le plus habile. La carnassière et le panier aux poissons n'étaient jamais vides. En temps prohibé, il se rejetait sur les lapins, les blaireaux, les renards, les putois. La sauvagine aussi, qu'on peut chasser en toute saison, lui était d'un grand secours. Presque à la même heure où M. de Carlepont quittait la Cormelle, le valet de ferme attelait le cheval blanc au cabriolet jaune et partait pour la ville voisine. Il y a bien 3 lieues de la Cormelle à Saint-Aime. Le petit cheval blanc, malgré son air tranquille, les franchissait lestement et en revenait avec un homme sec et court, à front chauve, le nez coiffé de lunettes, le cou pris dans un foulard bleu à pois et vêtu d'une redingote olive qui disparaissait l'hiver sous un manteau de ratine couleur chocolat. Ce personnage s'appelait M. Bonafous, était fort savant, fort doux, fort modeste, ce qui ne lui avait pas permis de se pousser dans le monde et donner des leçons au comte Henri. Les leçons terminées, le valet de ferme, le cabriolet jaune et le cheval blanc ramenaient M. Bonafous à Saint-Aime. Au retour, Grison hennissait et trottait comme un chevreau. Le valet de ferme chantait et faisait claquer son fouet. « Voilà, voilà !» criait la servante et elle dressait le couvert de ses maîtres. Ses promenades se renouvelaient 3 fois la semaine. Après qu'il avait fait 12 lieues le lundi, Grison avait bien le droit de se reposer le mardi. Blaireau était quelquefois du voyage, mais il n'en faisait jamais qu'à sa guise et se dispensait de ramener M. Bonafous à Saint-Aime. M. le duc ne rentrait ordinairement que le soir à la Cormelle. Cependant, si le temps devenait trop mauvais, il reparaissait dans la journée, quittait son attirail de chasse et prenait la scie et le rabot, ou la serpe et la pioche. Jamais il ne restait les mains oisives. Le comte Henri travaillait ferme de son côté, tantôt une plume entre les doigts, tantôt maniant un sécateur, une lime, une tarière. Quand il avait la tête ou les bras fatigués, il faisait de longues marches en compagnie de son père. À 9 heures, tout le monde dormait. L'existence du père et du fils était donc fort active. On pouvait dire hardiment qu'à la Cormelle, personne ne se reposait jamais, pas plus les maîtres que les serviteurs. Sous la direction du bon M. Bonafous, Henri étudiait la géographie et l'histoire, la philosophie et la grammaire, les langues grecques et latines. Son père lui enseignait l'anglais et l'allemand. Un savant fort vieux, qui avait pris sa retraite dans une masure du voisinage et chez lequel le petit se rendait 2 fois par semaine, le poussait du côté des sciences exactes. La chimie, la physique, les mathématiques ayant leurs heures, on s'en délassait par la gymnastique et les travaux manuels. Le soir, après le dîner, on faisait des lectures. Le temps passait vite et on riait beaucoup. Il y avait des jours cependant durant lesquels M. le Duc renonçait à ses habitudes de travail régulier. On avait remarqué que ces jours, peu nombreux d'ailleurs, revenaient à époque fixe. Dans ces circonstances, M. de Carlepont entreprenait seul de longues promenades où, si la pluie tombait à flot, s'enfermait dans sa chambre et y restait occupé à lire et à relire des papiers et des lettres qu'il tirait d'un petit meuble. Un certain attendrissement grave se faisait voir sur sa physionomie. Il embrassait Henri plus longuement au moment du sommeil. On aurait dit qu'il consacrait ces quelques jours à fêter des souvenirs lointains, dont il conservait le culte dans son cœur. Personne ne connaissait le secret de ces anniversaires pieux. Pendant les jours chauds du printemps et de l'été, on entendait à toute heure un sifflet vigoureux et vif qui remplissait la Cormelle du bruit de ses modulations. Il sortait tantôt de l'étable et tantôt de la maison, souvent aussi d'un massif de trembles et de saules au milieu desquels coulait une eau claire qui, en s'élargissant, formait un petit bassin. Le cri des merles n'était pas plus éclatant, le chant des pinsons n'avait pas plus de gaieté. Le retentissement cadencé d'un battoir frappant le linge accompagnait ce sifflet. Bientôt, une main rouge et robuste écartait un rideau de feuillage, et la bigorne apparaissait dans le jardin, la tête chargée d'une corbeille de linge blanc d'où l'eau suintait goutte à goutte. Chemin faisant et presque toujours suivi de blaireaux qui bâillaient en marchant, la forte créature étendait sur des cordes nouées d'un arbre à l'autre le linge qu'il puisait dans la corbeille. Chemin faisant aussi, elle interpellait chacun des animaux et des volatiles qu'elle rencontrait sur ses pas. Les mots partaient d'une voix sonore entre les coups de sifflet. La langue et les lèvres suffisaient à tout. « Hé, la blonde, voilà que tu rumines à l'ombre. Tu travailles à ta manière, tu nous fais du lait, bon. Le blanchet n'y va pas de main morte. En croque-t-il de ses touffes d'herbe, il n'en laissera pas un brin. Ça, comme voulez-vous, cocotte, ce n'est pas l'heure du déjeuner ni du souper. » « Mes bras pour du linge, le linge de monsieur le duc, entendez-vous, et non le panier au grain. Donc, cherchez des sauterelles. »« Eh, la rousselotte, qu'as-tu donc à bêler là-bas? Ton petit est-il perdu, mignonne ?» Et la grande fille allait toujours, tandis que les vaches la contemplaient d'un air doux, et qu'une bande de poules et de coqs la suivaient, gloussant autour d'elle. À sa vue, les chèvres en relevaient leur front cornu, et quelques brebis accouraient du fond du jardin. « Eh, la biquette !» « Ta queue frétille, » reprenait-elle, « tu sais bien que ton chevreau restera à la maison. Quant à vous, mes belles, on garde les carottes pour la soupe d'Henrion, s'il vous plaît. Ah, voilà que vous parlez tout à la fois. Vous comprenez ce que cela veut dire. Bon, s'il en reste, ce sera pour vous. Mais que vois-je là? Les 4 petits rouges et les 3 bleus qui vont le diable dans les fèves? Ah, les vilains gourmands! Et Noël, qui ne voit rien ?» La bigorne frappait des mains l'une contre l'autre, et les pigeons auxquels s'adressaient ses réprimandes partaient à tire-d'aile avec ce bruit joyeux et rapide qui égaye le toit des fermes. « Ça, Noël, où es-tu » reprenait-elle aussitôt. « On mange tes récoltes et tu laisses faire ces vagabonds maladroits ?» Une grosse tête, couverte d'une forêt de cheveux jaunes, plus mêlée que la laine d'un bélier, se dressait alors du milieu des plants de légumes. Un grand corps la suivait, armé de 2 bras nus, hâlés et musculeux, essayant le front du revers de sa manche, Il faut bien que tout le monde vive, répondait Noël, tandis que les ramiers, qui le savaient de bonne composition, lissaient coquettement leurs plumes sur le chauffe de la cormelle. Il n'était pas rare qu'un jeune épagneul à robe jaune et blanche, qui répondait au nom de Falco, se mêlât tout à coup à ses bucoliques. Ordinairement, Falco franchissait l'œil d'un bond et arrivait en jappant du côté de la campagne. Mais déjà, on n'apercevait plus Blaireau qui prenait sa course hors de l'enclos. On savait alors, à n'en pas douter, ce que cette arrivée et cette fuite simultanée voulaient dire. « Hé, voici monsieur le duc !» criait la bigorne. Presque au même instant, une voix puissante retentissait du côté de la route. « La bigorne, servez la soupe, j'ai grand faim !» disait monsieur de Carlepont. Bientôt après, on voyait entrer, suivi du griffon qui le caressait et faisait mille bonds, un homme grand, large des épaules, brun de visage, hâlé, solide et vigoureusement planté sur des jambes, d'aucune fatigue ne pouvait ralentir le pas élastique. Sa barbe, qu'il portait tout entière, et sa chevelure abondante grisonnaient. Moitié poivre et moitié sel, disent les Arabes. Une lourde carnassière pendait sur son dos, pleine à demi de lapin et de hallebrand. Le fusil à double canon passé sous son bras ne semblait pas plus lourd à ses muscles qu'une baguette de saule. Il était vêtu d'un pantalon de toile, dont les bouts disparaissaient dans de courtes guêtres de cuir, serrant les chevilles et le cou de pied, d'un sarrau bleu, d'un chapeau de paille cousu, qui valait bien 4 sous, d'une chemise de flanelle rouge et marchait le cou nu. La porte à claire-voie n'était pas franchie que déjà le duc regardait de tous côtés. « Et Henrion ? » disait-il. « Monsieur le comte, il était là tout à l'heure, » répondait la bigorne, qui se levait sur la pointe de ses pieds pour voir par-dessus la haie. « Me voilà, me voilà !» s'écriait soudain une voix fluette d'un timbre argentin. Et un petit bonhomme, qui n'avait pas de vêtements beaucoup plus riches que ceux de monsieur le duc de Carlepont, apparaissait pliant sous un faix de ramée et de bois mort. La bigorne ne faisait qu'un bond. « Si c'est bon Dieu possible !» s'écriait-elle, et déjà d'une main qui aurait enlevé une charrette, elle empoignait le lourd fagot, mais le duc l'arrêtant. « Laissez !» disait-il tranquillement. « Il faut que tout le monde travaille. » Et monsieur le comte, sa blouse ouverte sur sa jeune poitrine humide et pourpre, la serpe passée à la ceinture, les pieds chaussés de lourds souliers garnis de clous, portait sa charge au bûcher. Un quart d'heure après, et les ablutions faites, le duc et son fils s'asseyaient à table devant une large et profonde soupière qui fumait. La bigorne et Noël restaient debout et les servaient. Il y avait toujours sur l'un des coins de la table la moitié d'un grand pain pour les mendiants de passage, et de l'autre côté, un couvert pour le voisin ou l'ami que sa fantaisie pouvait conduire à la cormelle. Mais le duc et son fils mangeaient avec de l'argenterie dans des assiettes de faïence grossière. La bigorne, qui ne perdait pas Henrion de vue aussi longtemps que durait ce frugal repas, semblait avoir été taillée à coups de hache dans le tronc d'un chêne. Tout dans sa vigoureuse personne était carré. Le visage, le corps, les membres. Carré était le menton, carré étaient les mains. Ce caractère de solidité qui était en elle réveillait le souvenir des cariatides, bien des vagabonds qui, tout en demandant l'aumône, cherchent une occasion de pratiquer le vol, mendiants douteux qui, leur venue, se changeant bandits, avaient reculé bien des fois devant elle. Comme ces figures d'esclaves qu'on voit à la porte des monuments et qui soutiennent de lourds entablements sur leur front de pierre, on la sentait indestructible, rien de plus bizarre que ses traits. On aurait pu croire que sa bouche avait été fendue brutalement par la lame d'un sabre. La mâchoire était osseuse et lourde. Un duvet noir ombrageait la lèvre supérieure relevée d'un seul côté, ce qui faisait dire de la bigorne qu'elle avait la bouche boiteuse. Son nez s'épatait carrément entre deux joues puissantes qui avaient la couleur de la brique. Ses oreilles n'étaient pas sœurs jumelles. L'une d'elles s'allongeait vers le cou par l'effort d'un lobe gras et pesant. L'autre remontait vers le crâne en étalant sa coquille aplatie. Des mèches hérissées, rebelles au peigne, s'échappaient des bords d'un bonnet rond taillé dans un morceau d'indienne. C'était bien plus une crinière qu'une chevelure. Cette tête, à peine dégrossie, reposait sur un cou de taureau. Quand la bigorne riait, sa bouche, ouverte au hasard, laissait voir des dents plus éclatantes que les crocs d'un chien, et des gencives plus rouges que des fraises. Mais ce qu'elle avait de magnifique, c'était les yeux. Par là, tout était racheté, par là, elle était femme. qu'on se figure des prunelles larges, lumineuses, tendres, expressives, admirablement enchâssées dans l'arcade profonde, les yeux rayonnants et d'un noir de velours, et tout baigné d'une clarté limpide et douce, où l'on voyait vivre et palpiter la bonté. D'où lui venaient ses yeux? Comment était-il là, perdu dans ce bloc de chair massive? Que de choses il pouvait exprimer que la bigorne ne devait jamais connaître. On les admirait d'abord, ils attendrissaient ensuite, quand on connaissait mieux cette vaillante et robuste fille qui avait les formes puissantes d'un colosse et les yeux caressants d'une gazelle. Auprès d'elle, Noël se tenait immobile et en quelque sorte absorbé dans un silence qui lui était habituel, les regards noyés dans le vide. À la ville, c'eût été de la rêverie. À la campagne, c'était de la somnolence. Personne n'était plus calme et plus indolent. À côté de la bigorne, qui était la vivacité et le mouvement même, Noël produisait l'effet d'une mare tapissée de mousse à côté d'une source bouillonnante. Mais ce grand garçon froid et tranquille travaillait comme un bœuf et faisait sans se presser jamais l'ouvrage de quatre ouvriers. On ne l'avait jamais vu qu'une fois en colère. Il était ce jour-là en présence d'un forgeron qui s'obstinait dans un mensonge. Noël se jeta brusquement sur un arbre déjà fort qu'il brisa par le milieu. « Va-t'en » criait-il au menteur. « Va-t'en, si tu ne veux pas avoir le même sort !» Il était si terrible que le forgeron s'en alla sans répondre et déjà tout tremblant. Monsieur le duc ne voyait presque jamais personne, si ce n'est quelques voisins. Des lettres de Paris et de l'étranger lui arrivaient de temps à autre, mais rarement et à de longs intervalles. Le seul hôte qui le rattacha à sa vie ancienne était un gentilhomme de grande distinction, qui se faisait voir deux ou trois fois l'an à la Cormelle. Il y passait régulièrement une semaine aux fêtes de Noël. Il avait l'âge de monsieur de Carlepont et s'appelait monsieur de Bléré. Monsieur de Carlepont s'absentait quelquefois. On assurait qu'il allait à Paris d'abord, puis à Londres, où on savait cependant qu'il n'avait point de parents. Durant ses absences, qui ne duraient guère plus d'une semaine, ou 15 jours au plus, M. Bonafous, le professeur de Saint-Thème, s'installait à la Cormelle avec sa redingote olive, ses lunettes et ses foulards bleus à pois. La bigorne avait le gouvernement de la maison. Elle ne sifflait presque plus. Au retour de M. le duc, tout le monde respirait. Les chiens bondissaient d'aise. M. de Carlepont questionnait tout le monde, s'informait des études de Henri, rendait visite aux étables, caressait le cheval blanc et les bestiaux, se faisait rendre compte de toutes choses dans les moindres détails et retenait M. Bonafous à dîner. C'était un jour de fête. Le lendemain, il jetait l'épervier ou tiraillait contre la sauvagine. À voir l'attitude tranquille de cet homme, qui suivait de l'œil les mouvements presque invisibles des poissons fuyant sous l'eau ou guettait patiemment le retour des canards au bord d'un étang, on avait peine à croire qu'il eût jamais bataillé contre les Turcs. Tels étaient, au mois de septembre 1840 et quelques, la vie et l'habitation de M. le duc de Carlepont, propriétaire et braconnier à la Cormelle, canton de Gé, arrondissement de Saint-Thème, dans l'ancienne province d'Anjou. Maintenant, pour bien comprendre les événements qui font le sujet de ce récit, il nous faut retourner en arrière et raconter par quelle suite d'aventures et de hasards l'héritier d'un si grand nom s'était un matin arrêté sous le toit d'une chaumière, comme un voyageur à la chute du jour secoue ses pieds poudreux à la porte d'une auberge, sans s'informer d'abord si des princes ou des rouliers en ont franchi le seuil.